Rappe-toi. Ici ça rappe, ouais. Ça rappe, ouais. Ben ouais, Shinky, ils voudraient tous nous voir sourire. Bah ouais. Peut-être le jour où le manque de sous ne fera pas souffrir. Ha. Pour que les lois s'ingurgitent, ils mettent des sous-titres. À croire que ces sous-titres comptent bien des sous-fifres. Ils voulaient pas qu'on rentre, on va casser les portes. Même isolé, j'oublie jamais dédicacer les potes. Ici, les fautes suivent à la trace comme ce profil d'escorte. Anonyme sera l'appel pour faire connaître tes fautes. Je compte les morts, mais moi j'ai juste deux mains. Je redouble d'efforts, mais j'entends juste de rien. De rien. Combien des nôtres ont crié frère, reviens hein. Un jour ils veulent ton bien, un jour ils volent ton bien. Je vois tout en noir, me parlez pas d'un opticien. On nous conseille de croire en soi hein. Mais c'est pas aussi simple. Y'a pas besoin de se réincarner pour avoir une vie de chien. Ici y'a juste une maladie pour nous mettre aux petits soins. Y'a ceux qui brassent, y'a ceux qui brassent du vent. J'ai souvent bu la tasse, pris dans la passe du temps. On débarrasse ceux qui jacquent du banc. Ici l'espoir c'est un massif sans faire de régime du camp. Le chrono tourne, j'ai pris de l'âge mais j'suis pas un daron. J'ai fait le tour, y'a que des lâches qui s'inventent des galons. Ici y'a rien de marrant, cette pute cherche un garant. J'ai vu des mecs faire de la luche sur des pistes marrons. Dans le ring on met la clim, c'est pas Gims ni la crime. Comme un acteur, j'deviens mauvais quand la vie me chagrine. C'est notre rime qu'on imprime, avec des putains de rimes. Pas d'intérim dans nos checks, on ça commet plus d'un crime. Pour qu'on s'en sorte il faut un but et sortir du trou noir. Pour qu'un pote se transforme en pute, y'a pas besoin de trottoir. Que des voyous notoires tout au fond du couloir. La passade remonte la pente, ça devient le foutoir. B.R.I.Shun qu'il sort un son qui met la pression. La précision est là, la plume te donne des frissons. J'en place une pour les frères qui passent l'hiver en prison. L'atmosphère oppressante peut te faire perdre la raison. Changer d'horizon, on l'espère tous un jour. On a plus d'un tour dans nos sacs, le client ne fait pas de détour. Mais là je vais faire court, vu qu'il y a les causes qui tournent. Un petit qui court sur le terrain, ces PD veulent en découdre. Je prends mon mal en patience face à l'ampleur des dégâts. On nourrit pas des affamés en faisant des débat, négligé par la société depuis le départ. En pétard dans ma vie, donc j'ai remis le mot de départ. Peu sociable, tu sais que social est l'ascenseur. À force tomber plus bas que terre, y'en a qui se cassent aux cieux. Et si les sièges sont éjectables, rien ne sert de s'adosser. Car c'est toujours par intérêt qu'on ira s'associer. Je connais personne qui peut prévoir le futur en avance. Je connais personne qui pourrait improviser la vaillance. Trop peser l'apparence, la vérité sort de la bouche des balances. La RUE, la première qui m'a mis l'alliance. Oui, à la queue, pour s'intégrer, faut prendre un ticket. Dans leur système, toutes les impasses sont pas indiquées. Ici, les chèques collent au plafond, pas besoin de ton DJ. Constamment en tournant rond, remballe ton DJ. Ambition létale, position de l'état. Le froid du métal, les froids de l'illégal. À travers mes écrits, tu marches dans ma rue. Mâche mon vécu, en m'écoutant, tu nages dans ma ruche. Venu remettre de l'orgue, des washing kills, c'est comment. PR, c'est la merde dans ce game, rien d'étonnant. Tu m'étonnes, ils jouent tous les acteurs, c'est désolant. La plupart font du vent, y'a plus personne de rayonnant. Venu remettre de l'orgue, des washing kills, c'est comment. PR, c'est la merde dans ce game, rien d'étonnant. Tu m'étonnes, ils jouent tous les acteurs, c'est désolant. La plupart font du vent, y'a plus personne de rayonnant.